Des mesures draconiennes avaient été prises pour que le groupe Chaos soit parfaitement isolé. La connaissance de ses activités était limitée à ceux qui avaient un besoin précis de les connaître. Les agents, pendant les 2 ou 3 semaines d'entraînement, étaient soumis à un strict isolement. D'après une note de juillet 1971, cet entraînement devait être mené avec une extrême prudence, et le nombre des personnes en ayant connaissance devait être réduit au minimum absolu. Le bureau d'entraînement avait pour consigne de faire parvenir au groupe Chaos toutes les communications ayant trait à l'entraînement de ses agents. Le groupe était isolé même au sein du contre-espionnage, qui lui-même est une division très fermée de la CIA. Le groupe fut géographiquement mis à l'écart de ce service. Seul le chef du contre-espionnage et ses adjoints étaient au courant des objectifs de Chaos. En principe, l'organigramme faisait du chef du contre-espionnage le responsable technique de l'opération Chaos, et les demandes de budget et le recrutement devaient être approuvées par lui. Mais les éléments dont nous disposons montrent que le chef du contre-espionnage avait en fait peu de rapport avec les activités réelles de Chaos. D'après une note de la CIA de mai 1969, Helms donna spécialement l'ordre au chef du groupe d'éviter de faire part de ses activités au chef du contre-espionnage. Le chef du contre-espionnage et celui du groupe Chaos sont d'accord sur le fait qu'à cause de l'isolement du groupe et du secret qui l'entourait, les véritables responsabilités étaient endossées par le directeur de la CIA. Cela a surtout commencé à être vrai au milieu de l'année 1969. En fait, plus tard, le chef de Chaos a essayé d'avoir son bureau directement rattaché à celui du directeur général de la CIA. Helms, dans sa déposition devant la commission d'enquête, a dit qu'il ne se rappelait pas avoir donné des directives particulières pour que le chef du groupe Chaos se réfère directement à lui. Il a déclaré qu'au contraire, il attendait du chef du groupe qu'il fasse ses rapports au chef du contre-espionnage, qui en aurait référé au directeur des opérations, qui, lui-même, en aurait rendu compte au directeur. L'opération Chaos était considérée comme extrêmement délicate, à tel point qu'en novembre 1972, au cours d'une tournée d'inspection, l'inspecteur général de la CIA lui-même s'est vu refuser l'accès au dossier. Une autre fois, une équipe du département de l'administration et du budget faisait une inspection sur les activités opérationnelles de l'agence. Intentionnellement, on ne l'informa pas de celle du groupe Chaos. Il semble que le conseil général de la CIA n'ait jamais été consulté à propos des activités du groupe de l'opération Chaos. Il n'y avait pas davantage d'inspection annuelle des activités et du budget, sauf lorsqu'il s'agissait de demander aux autorités de payer ou de recruter un agent. Le résultat de cette compartimentation, de ce secret et de cet isolement apparaît maintenant clairement. Quiconque dans la CIA n'était directement impliqué dans Chaos n'avait aucun contrôle sur ses activités. Les témoins ont abondamment témoigné sur les raisons qui ont conduit à entourer Chaos du plus grand secret. Elles seraient principalement au nombre de 2. La première est que le groupe voulait préserver la vie privée des Américains dont les noms apparaissaient dans ces dossiers. La seconde est que les membres du groupe pensaient que l'opération Chaos aurait été mal comprise par d'autres membres de la CIA s'ils n'en avaient appris que des bribes sans avoir été auparavant informés sur l'ensemble du projet. On peut affirmer sans se tromper que les dirigeants de la CIA voulaient éviter que l'on soupçonne l'agence de s'occuper de questions de sécurité intérieure. Ils savaient que Chaos n'était pas loin d'avoir, au moins en partie, des activités illégales, et que celles-ci provoqueraient des réactions hostiles dans l'opinion publique si elles venaient à être connues. Malgré tous les efforts faits pour garder le secret autour de l'opération Chaos, plus de 600 personnes à l'intérieur de la CIA furent explicitement informées de l'opération. Un nombre considérable d'officiers de la CIA eurent besoin d'être au courant de l'opération pour organiser leur communication Telex avec l'étranger. Il y avait suffisamment d'informations qui circulaient dans la CIA concernant Chaos pour permettre à un groupe de 14 officiers appartenant à l'encadrement moyen de rédiger deux mémoires en 1971 qui soulevaient la question de l'opportunité du projet. Bien qu'un seul d'entre eux disposât d'une information complète sur les activités de Chaos, plusieurs autres en savaient suffisamment pour collaborer à la préparation des mémoires. Un certain nombre d'officiers, depuis longtemps opérationnels, ainsi que d'autres qui appartenaient à différentes directions de division, ont également exprimé leur opposition aux activités de Chaos, ou au moins leur scepticisme. Des chefs de division ne voulaient pas engager leurs responsabilités dans la collecte du renseignement et rechignaient à détourner des informations pour l'usage exclusif du groupe. Lorsque Chaos mit ses propres agents en activité, certains opérationnels le ressentirent comme une intrusion dans leurs propres affaires. En outre, certaines des réticences à l'égard de Chaos reposaient sur des principes philosophiques. Un témoin, par exemple, décrit l'attitude de son service comme étant totalement négative. Un mémoire daté de mai 1971 confirme que cette division ne voulait avoir aucun rapport avec Chaos, et ce parce qu'elle pensait que les activités de celui-ci étaient davantage du ressort du FBI. Ce service eut peu de rapport avec Chaos, et sa seule collaboration fut la présentation au groupe Chaos d'un agent potentiel. Les sentiments à l'encontre de Chaos étaient apparemment assez forts pour que Helms, dans sa note du 6 septembre, demande qu'on le soutienne. Cette note, envoyée à tous les directeurs de la CIA, leur assurait que l'opération n'outrepassait pas les statuts de l'agence et leur demandait leur appui. L'opinion de Helms sur l'opération Chaos fut résumée dans un mémoire daté du 5 décembre 1972. Chaos est une opération normale de contre-espionnage de l'agence et ne peut pas être stoppée simplement parce que quelques membres de l'organisation n'aiment pas cette activité. En 1972, avec la fin de l'engagement américain au Vietnam et la diminution de la contestation, l'opération Chaos perd de l'importance. Le flux des communications a décru et les craintes de la Maison-Blanche vis-à-vis d'une ingérence étrangère se sont elles aussi atténuées. Au milieu de l'année 1972, le groupe spécial d'intervention a commencé à porter son attention vers d'autres secteurs du renseignement. À la fin de 1973, le nouveau directeur de la CIA, William E. Colby, examinant les activités un peu épineuses de l'agence, ordonna à toutes ses directions de s'assurer que les activités de la CIA restent dans le cadre légal. Dans un mémoire sur ce sujet, le directeur notait que l'opération Chaos devait désormais se limiter à la collecte à l'étranger des renseignements concernant l'influence étrangère sur les activités intérieures. Plus tard, la CIA devra se consacrer clairement aux organisations et personnes impliquées dans ces questions et seulement incidemment à leurs contacts américains. Le mémoire de Colby spécifiait également que la CIA ne devait pas s'engager dans la surveillance ou dans toute autre action contre des citoyens américains à l'étranger, et devait seulement servir comme moyen de communication entre le FBI et les services des affaires étrangères, atténuant ainsi en la matière la politique élaborée en 1968 et confirmée en 1969 par son prédécesseur Richard Helms. En août 1973, date à laquelle le mémoire de Colby fut terminé, le volume de papier que laissait le groupe Chaos comprenait 13 000 dossiers, plus de 11 000 mémoires, rapports et lettres du FBI, plus de 3 000 notes destinées au FBI et près de 3 500 mémoires à usage interne. En plus, Chaos était à l'origine de 12 000 dépêches et de dossiers complets à l'usage des officiers du gouvernement. Le 15 mars 1974, l'agence mettait fin à l'opération Chaos. Des instructions furent données à toutes les stations de la CIA. Toute information concernant un citoyen américain résidant à l'étranger et suspecté pour des raisons de sécurité ou de contre-espionnage devait être transmise au FBI. D'après la note qui mettait fin aux activités de Chaos, aucune action unilatérale contre un suspect ne devait être engagée par la CIA sans l'accord spécial du directeur des opérations, et cela seulement après la réception d'une demande écrite du FBI et avec l'accord du directeur général de l'agence.